Sur l'entremain de l'avant veille le membre turgescent, le regard incertain. Est-ce aujourd'hui que je me réveille, ou puis-je encore attendre demain? Tous les agités sont des cons, je suis partisan de la procrastination. Depuis le temps que devenu lucide, et m'étant fait une raison, je ne parle plus que du suicide, comme apothéose pour ma vie de troufion. Tous les agités sont des cons, je reste vivant grâce à la procrastination. L'onanisme est une activité salubre, pratiquée depuis la nuit des temps. Quand les petits chefs de tribus lugubres s'écharpent pour des femelles chiantes à plein temps, la reproduction nous conduira tous à bouffer du lyophilisé chinois. Procrastinatonote de tout pays, je suis des vôtres. Tous ensemble, tendons la main et branlons-nous jusqu'à demain.